بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا اليوم هو أول أيام شهر الله ذي الحجة. ندخل في هذا اليوم في الدرس 17 في كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للعلامة أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. Aujourd'hui, le 6 octobre 2013, nous allons entamer le 17e cours. Nous allons entamer, Inch'Allah, le 17e cours du livre Les qualités sublimes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de l'imam At-Tirmidhi rahimahullah. Le chapitre que nous sommes en train de lire ou étudier, c'est le chapitre concernant Bab ou Maja'a fi idami Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Wal idamu wa ma yu'kalu ma'al khubz. Le chapitre concernant l'accompagnement du pain du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il mangeait le pain, il mélangeait ce pain avec beaucoup de choses: le vinaigre, le khal, le zayt, l'huile, la viande, le dajaj, le poulet et d'autres choses encore. Et hier, on a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait beaucoup al-dhira', c'est-à-dire l'épaule. C'est la partie qu'il préférait dans la viande. Et on a vu que al-yahoud, les juifs, ont mis du soum, du poison dans al-dhira'. Et ils l'ont donné au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour l'empoisonner. Et quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a pris l'épaule, al-dhira', et a commencé à la manger, al-dhira' takallamat. L'épaule a parlé et a dit: je suis empoisonné. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recraché la viande qu'il avait dans sa bouche et Allah l'a protégé. Et parmi les compagnons, il y avait Bishr ibn al-Bara qui est mort empoisonné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu an Bishr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rassemblé al-Yahoud devant lui. Elle leur a demandé, il leur a posé des questions. Premièrement, il leur a dit: inni sa'ilukum an shay fa hal antum sadiqiy fi. Je vais vous interroger sur une chose, allez-vous me dire la vérité dans la réponse? Qalu na'am ya Aba al-Qasim. Ils ont dit oui, ô Abu al-Qasim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: man abukum, qui est votre père? Qalu abuna fulan. Ils dirent: notre père c'est un tel. Le prophète alayhi salat wa salam a dit: kadabtum. Abukum fulan akhar, vous mentez, votre père c'est un tel. Qalu sadaqta wa bararat. Ils ont dit: tu as dit vrai, tu as été honnête. Il leur a dit: inni sa'ilukum an shay'in fa hal antum sadiqiy fi. Maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce que vous allez être véridique dans la réponse? Qalu na'am ya Aba al-Qasim wa in kadhabna 'arafta kadhibana kama 'araftahu 'arafta kadhibana al-awwal. Ils ont dit: oui, ô Abu al-Qasim, et de toute manière, si on te ment, tu vas le savoir, tout comme tu as su qu'on t'a menti la première fois. Il leur a dit: man ahlun nar, qui sont les gens de l'enfer? Qalu nabqa fiha yasiran thumma takhlufunana. Ils ont dit: on va rester un peu dans le feu, ensuite on va sortir et vous les musulmans, vous allez prendre notre place. Le prophète alayhi salatu wasalam a dit: irsa'u fiha, soyez-y refoulés, fa wallahi lan nakhlifakum fiha, car par Allah on ne vous rejoindra pas dans le feu. Puis il leur a dit: inni sa'ilukum an shay'in fa hal antum sadiqiy fi. Maintenant, je vais vous poser une autre question. Est-ce que vous allez être véridique dans la réponse? Qalu na'am ya Aba al-Qasim. Qala. Donc ils ont dit: oui, ô Abu al-Qasim. Et là, le prophète, alayhi salatu wa salam, a dit: hal wada'tum as-sum fi hadha at-ta'am. Est-ce que vous avez mis du poison dans cette nourriture? Et là, ils ont dit la vérité, ils ont dit na'am, oui. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a demandé qui est-ce qui a fait ça, et Zaynab bint al-Harith, qui était une juive, c'était elle qui avait fait ça, et elle l'a avoué. Et ensuite, elle est rentrée dans l'islam, elle s'est convertie à l'islam, et les sahaba, radiyallahu anhum, ont divergé sur le devenir de cette femme. Est-ce qu'on l'a tuée, est-ce qu'on ne l'a pas tuée, wallahu a'lam. Et c'est le hadith, le dernier hadith qu'on a lu hier. Aujourd'hui, le hadith qu'on va lire, c'est le hadith de Ummu Hani. Ummu Hani, c'est la cousine du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la fille de Abu Talib. Ummu Hani bintu ammi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qalat dakhala alayya an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qala a'indaki shay? أي من الطعام فقلت لا إلا خبز يابس وخل فقال هاتي ما أقفر بيت من أدم فيه خل. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré chez cette femme et lui a dit: as-tu quelque chose? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelque chose à manger? Elle a dit: non, on n'a rien si ce n'est du pain rassis ou bien du pain séché, du pain sec et du vinaigre. Donc il n'avait que ça à manger. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit: hati hat hadha al-khubz, donne-moi ce pain rassis et ce vinaigre, hadha yakfina, cela nous suffit, il ne s'est pas plaint. Ma la yashku, le nabi alayhi salatu wassalam, il ne se plaint pas. Il n'avait que ça. Elle a dit: on n'a rien sauf du pain sec et du vinaigre. Et le prophète alayhi salam a dit: hati, donne-moi ce que tu as. Puis il a dit: ma aqfara baytun min udmin fihi khal. Et là, elle a dit une parole pour la réconforter. Il lui a dit: une maison où il y a du vinaigre ne manque pas de quoi accompagner le pain. Donc ici, c'était pour la réconforter: ne t'inquiète pas, cela est suffisant. Si dans une maison on y trouve du vinaigre, alors on aura du idam. Et le idam, c'est ce avec quoi on mange le pain, donc c'est suffisant. Et ce hadith donc a été rapporté pour montrer que le prophète alayhi salatu wassalam mangeait Al-khal avec al-khubz, avec le pain. Et que des fois, ce pain, il était sec. Il était rassis. Hadith suivant. An Abi Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu. An al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال: Fadlu Aisha'ta ala al-Nisa, ka fadli al-Tharidi ala sa'ir al-Ta'am. Ce hadith, qui est rapporté par Abu Musa et par d'autres compagnons, nous montre les mérites de Aisha radiyallahu anha. Aisha radiyallahu anha, zawjatun nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'épouse du prophète. Aisha radiyallahu anha est à une place, une très grande place chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour nous montrer cette place, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait une comparaison. Il nous dit le mérite de Aïcha sur les autres femmes. C'est-à-dire, vous voulez savoir comment est Aïcha par rapport aux autres femmes et à quel point elle est meilleure que les autres femmes? Le mérite de Aïcha sur les autres femmes est semblable à comme le mérite du Tharid sur les autres repas. Al-Tharid, c'est un repas qui est connu. En fait, Al-Tharid, c'est du pain. C'est du pain qui est fait comme une crêpe dans la forme. Comme une crêpe. Ce qu'on appelle moussammen un peu chez le Maghariba, chez les Marocains. Et ce plat, il est mélangé avec de la viande. Il est mélangé avec de la viande et avec de la sauce. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait beaucoup le tharid. Et dans Farid, il y a du pain. Et nous, on est en train d'étudier l'idam. L'idam, c'est ce que mangeait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avec le pain. Al-Farid, c'est du pain avec de la viande et du maraq, une sauce. Donc ici, on comprend pourquoi Tirmidhi rahimahullah a cité ce hadith dans ce chapitre. Et aussi, on voit le mérite de Aïcha, radiyallahu anha, sur les autres femmes. Et on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait Al-Farid. Et le hadith qui vient juste après, c'est le même. Si ce n'est qu'ici, il est rapporté par Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Donc on passe au suivant. Hadith suivant, an Abi Huraira radiyallahu anhu, annahu ra'a Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam tawadda'a min thawri aqit, thumma ra'ahu akala min katifi shah, thumma salla wa lam yatawadda'. Abu Huraira radiyallahu anhu a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de se laver les mains. Mais le mot qui est utilisé ici, tawadda, min al-wudu, des ablutions. Et ce mot-là, il a deux significations. Al-wudu ou at-tawaddu lahu itlaqan ou ma'nayan. Il a deux sens. Ma'na lughawi wa ma'nan shar'i. Il a un sens linguistique et un sens, on va dire, religieux. Et dans son sens linguistique, al-wudu, c'est se laver les mains, tout simplement. Et dans le sens religieux, al-wudu, c'est les ablutions que l'on fait avant la prière, que vous connaissez tous. Ici, ce qui est voulu, ce n'est pas ce qui a été traduit. Le traducteur ici, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'ablution rituelle après avoir mangé un grand morceau de fromage frais. Donc il a traduit tawadda avec son sens religieux. Et ce n'est pas ce qui est voulu ici. Ce qui est voulu, c'est qu'il s'est lavé les mains, sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est lavé les mains ba'da akli thawr aqit, ay qit'a min al-aqit. Wal-aqit huwa al-laban al-mujaffaf. Et il s'est lavé les mains après avoir mangé ce qu'on appelle aqit. Et l'aqit en arabe, c'est tout simplement al-laban, le lait fermenté, quand il est travaillé et il est chauffé jusqu'à devenir un peu solide. C'est pour ça que ça a été traduit par le fromage frais ici. Le fromage frais, ça vient du lait qui est travaillé pour arriver à devenir comme il est. Le prophète alayhi salatu wa salam a mangé cette chose-là et il s'est lavé les mains. Thumma ra'ahu akala min katifi shah. Puis Abu Huraira l'a vu manger. Puis Abu Huraira radiyallahu anhu l'a vu manger une épaule ou de l'épaule d'agneau. Thumma salla wa lam yatawadda. Puis il a accompli la prière et n'a pas fait ses ablutions. Ici, il y a le même mot, tawadda. Lakin al-murad huna al-wudu al-shar'i. Mais ce qui est voulu dans ce deuxième mot-là, ce sont les ablutions religieuses et non pas le fait de se laver les mains. Donc, fi hadha al-hadith jumi'a bayna al-wudu al-lughawi wa al-wudu al-shar'i. Dans ce hadith-là, on a le même terme qui est venu, at-tawaddu, et chacun avec un sens. Le premier, c'est avec le sens linguistique, et le deuxième, avec le sens religieux. Et on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fait pas ses ablutions quand il a mangé de l'agneau. Pourquoi? Car quand on mange de l'agneau ou du mouton ou de ses viandes, ça n'annule pas les ablutions. Et il y a une viande qui annule les ablutions chez certains savants comme l'imam Ahmed. Quelle est cette viande? Le chameau. Barakallahu fik. L'ahmul ibil yanqud al-wudu. La viande de chameau annule les ablutions. Wa hadha laysa 'inda kulli al-ulama. Al-ulama ma ittafaqu 'ala hadha. Bal ikhtalafu. وهذا القول هو قول الإمام أحمد رحمه الله. Les savants ont divergé sur cette question, et cet avis c'est celui de l'Imam Ahmad qui dit que les ablutions, le manger le chameau annule les ablutions. Et Cheikh Abdurrazzaq Al-Abbad hafizahullah, il dit que c'est l'avis rajih, l'avis prépondérant. Wallahu a'lam. Ala kulli hal, voilà ce qui en est pour ce hadith. Le hadith suivant, عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول ما رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية بتمر وسويق. Le prophète صلى الله عليه وسلم أول ما جعل طعامه للوليمة هو التمر والسويق. Le prophète صلى الله عليه وسلم à l'occasion de son mariage avec Safiya, Safiya qui est une des épouses du prophète, alayhi salatu wassalam, a offert un repas. Et regardez ce qu'il fait comme walima. Walima, c'est le nom qu'on donne au repas qu'on fait à l'occasion d'un mariage ou à l'occasion d'autre chose. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a eu un repas qui était composé de dattes, التمر et de السويق. Et السويق c'est une pâte, c'est une pâte, c'est une pâte de blé qui est mélangée avec d'autres produits, et vous le trouvez ici dans la note du traducteur. Donc النبي صلى الله عليه وسلم n'avait pas beaucoup de nourriture, il n'avait pas beaucoup de moyens. Quand il s'est marié avec sa fille, sa walima, le plat qu'il a offert était composé de dattes et de sawiq. Et aujourd'hui, les walaim, les fêtes qui sont organisées pour les mariages, sont remplies de viande, de fruits, de toutes sortes de nourriture, et ce n'est pas haram. Ce n'est pas interdit tant qu'il n'y a pas d'israf, tant qu'il n'y a pas de l'israf, de gaspillage. Tant qu'il n'y a pas de gaspillage, ce n'est pas interdit. Mais dès qu'il y a du israf, là, ça devient interdit. Ça devient interdit. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lui, il n'avait que ça. Alayhi salatu wa sallam. Hadith suivant. Et inshallah, on va terminer ce chapitre. Le hadith suivant est rapporté par Jabir ابن عبد الله رضي الله عنهما قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاه فقال كأنهم علموا أننا نحب اللحم. جابر بن عبد الله رضي الله عنه dit que le prophète صلى الله عليه وسلم est venu chez lui, et à cette occasion ils ont immolé un agneau pour l'offrir en repas au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car c'est un invité de marque. Il est venu chez lui, et quand on reçoit un invité, on lui fait l'ikram, on l'invite, on lui donne la bonne hospitalité. Alors le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, on dirait qu'ils ont su que nous aimons la viande. Pourquoi il a dit ça? Parce que quand quelqu'un t'invite chez lui, quand quelqu'un t'invite chez lui pour manger un repas, il est bon de lui montrer que tu aimes ce repas qu'il t'a offert. Et ça, ça fait partie des comportements du prophète, alayhi salatu wassalam. Ça fait partie de la sunna. Car quelqu'un qui t'invite, il t'invite pour te faire plaisir. Et il veut voir que tu es content. Et il y a des gens, quand ils sont invités, ils regardent et ils cherchent la nourriture, ils cherchent la nourriture dans les défauts, pour dire dans ton ta'am, dans ta nourriture, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Au lieu de dire hadha ta'am, ta'amun jayyid, wa barakallahu fik akramtana. C'est comme ça qu'on doit être avec celui qui nous invite. Ton plat était bon, ton plat était délicieux, qu'Allah te récompense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'aime pas gêner les gens. لا يوقع الناس في الحرج. Donc il leur a dit كأنهم علموا أن نحب اللحم. أنت أكرمتنا باللحم وأنا أحب اللحم. حتى يفرح به. Pour qu'il soit content. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam mangeait lahm avec quoi? Avec al-khubz. Parce qu'ici on est en train de parler de l'idam. L'idam c'est ce qu'on mange avec al-khubz, avec le pain. Hadith suivant. An Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma. Donc le même sahabi qui dit قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه. Il dit, le prophète صلى الله عليه وسلم est sorti et je l'accompagnais. انظر قال وأنا معه ولم يقل وهو معي. الصحابة رضي الله عنهم يعرفون كيف يتكلمون عن النبي عليه الصلاة والسلام. هم معه وليس العكس. هم يتبعونه وليس العكس. Sahaba, ils savent parler quand ils parlent du prophète عليه الصلاة والسلام. Il dit, le prophète est sorti et je l'accompagnais et j'étais avec lui. Pourquoi il n'a pas dit le prophète est sorti avec moi? Le prophète était avec moi. Car c'est l'adab. Eux sont les suiveurs du prophète عليه الصلاة والسلام et non pas le contraire. Et c'est pourquoi il parlait comme ça. كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. Nous étions assis auprès du prophète عليه الصلاة والسلام. Il dit فَدَخَلَ عَلَى مْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ. Quand il est entré chez une femme des Ansar. Qui sont l'Ansar? L'Ansar, أَهْلُ الْمَدِينَ. Les gens de Médine, de la ville de Médine, qui ont accueilli le prophète عليه الصلاة والسلام. فَذَبَحَتْ لَهُ شَاهْ. Cette femme a sacrifié pour lui un agneau. فَأَكَلَ مِنْهَا. Le prophète en a mangé. وَأَتَتْهُ بِقِنَاعٍ مِنْ رُطَبْ. القِنَاع. Puis elle a amené un régime de dattes fraîches. فَأَكَلَ مِنْهَا. قِنَاع مِنْ رُطَبْ. Ce qu'on appelle القِنَاع هو القِنُو. القِنُو c'est une grappe de dattes. Quand tu arraches du palmier, de nakhla, tu arraches une grappe de dattes et que tu l'as dans la main, ça s'appelle qina' ou bien qinwun min rutab. Rutab, c'est les dattes qui sont humides, qui ne sont pas encore sèches. Donc elle lui a donné de l'agneau à manger et ensuite, après qu'il en ait mangé, elle lui a apporté des dattes fraîche. فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ تَوَضَّأَ لِلظَّهْرِ وَصَلَّى. Le prophète en a mangé de ses rotab et il a fait les ablutions pour aller prier salat al-dhuhr. ثُمَّ انصرف. Puis il s'est retiré. فَأَتَتْهُ بِعُلَالَةٍ مِنْ عُلَالَةِ الشَّاهِ. Et elle lui a ramené عُلَالَة مَا بَقِيَ مِنَ اللَّحْمِ. Elle lui a ramené un reste de viande d'agneau. Encore. Ça, c'est après salat al-dhuhr. ثم صلى فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ. Puis, il en a mangé. Ensuite, il a fait salat al-asr sans faire ses ablutions. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Que le prophète alayhi salatu wassalam a mangé deux fois. Mais le prophète sallallahu alayhi wasallam, on a vu dans le début de certains chapitres, dans le début du chapitre sur le pain, qu'il ne trouvait pas de quoi manger des fois pendant deux jours. Qu'il ne trouvait pas de quoi la yajidu ma yushbi'u, de quoi se rassasier. Et ici, on voit qu'il a mangé deux fois. Il n'y a pas de contradiction. Il y en a un nabi sallallahu alayhi wa sallam ma shabi'a. Akala shay'an qalilan qabla dhuhr wa shay'an qalilan ba'da dhuhr. وَلَمْ يَشْبَعْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Il a mangé que un peu de cette viande d'agneau avant la prière de Dhuhr et un peu après la prière de Dhuhr. Donc même s'il a mangé deux fois, il n'a mangé que peu de viande. Donc ça ne contredit pas les informations qui nous sont données que le prophète عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ne mangeait pas jusqu'à se rassasier. puis il a prié salat al-asr sans faire al-wudu. Et on vient de voir pourquoi, parce que quand tu manges la viande d'agneau ou les viandes, il n'y a pas besoin de faire al-wudu si tu l'as déjà. Hadith suivant, an al-Mundhir قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي انظر ومعه علي ولم يقول العكس وهو مع علي قال ولنا دقيقة أنا استنى لا أخطأت je me suis trompé. Al-qina' le mot qina' ici, ce n'est pas un régime de date, ce n'est pas un régime de date. Al-qina' tabaq, al-tabaq الذي يوضع عليه الرطب. J'ai confondu avec un hadith qui va venir. Donc elle est venue avec une assiette sur laquelle il y avait des dates. Donc ça c'est correction. Et donc Umm al-Mundhir a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré chez moi en compagnie de Ali, c'est-à-dire Ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Qalat walana dawalin mu'allaqa. Ad-dawal huwa al-qinu min ar-rutab. Walana dawalin mu'allaqa. Qalat faj'ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya'kul وعلي معه يأكل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي ما يا علي فإنك ناقه ما يا علي فإنك ناقه أي كف عن الأكل لأنك ناقه ناقه أي أنك حديث عهد بمرض كنت مريضا و شفاك الله عز وجل وأنت الآن في بداية الشفاء فلا ينبغي أن تأكل من الرطب لأن هذا الأكل لا يناسب من كان في حالك فقالت فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل قالت فجعلت لهم سلقا وشعيرا والسلق هو نبات يؤكل وشعيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي من هذا فأصب فإن هذا أوفق لك. Le prophète est entré chez elle en compagnie de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Et cette femme avait chez elle des régimes de dates qu'elle avait accrochés, ce qu'on appelle al-dawal ou bien ce qu'on appelle dawal ou bien al-qinu, le régime de date que tu enlèves du palmier et que tu laisses chez toi pour qu'il mûrisse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mangé de ces dates et Ali radiyallahu anhu l'a suivi et a mangé avec lui. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: abstiens-toi, ô Ali, car tu es convalescent, c'est-à-dire n'en mange pas car tu étais malade et tu es en train de guérir. Il était dans les débuts de sa guérison et cet aliment ne convient pas en général à celui qui est en convalescence. C'est pourquoi le prophète alayhi salatu wasalam lui a dit: abstiens-toi de manger. Alors Ali s'est assis et le prophète a mangé. Qu'est-ce qu'elle a fait, Umm al-Mundhir? Elle leur a apporté ce qu'on appelle en arabe as-silq. As-silq, qui est traduit par la blette, c'est un légume, c'est une plante verte. C'est un légume qui est une plante verte qu'on mange avec la viande des fois ou avec d'autres choses. Et elle lui a ramené ça avec de l'orge. Avec de l'orge. Alors il s'est mis à en manger et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: c'est cela qu'il te faut prendre, cela est plus indiqué pour toi. Et l'imam ibn al-Qayyim rahimahullah, dans son livre Tibb al-Nabawi, de la médecine prophétique, a cité que ces aliments sont bons à manger pour celui qui est en train de guérir d'une maladie. Et dans beaucoup de hadiths, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam à citer des choses qui sont bonnes pour la guérison que les médecins d'aujourd'hui ont trouvé. Ils ont dit que ces choses-là sont bonnes pour la guérison. Et c'est pourquoi il faut s'intéresser à Tib al-Nabawi, la médecine prophétique. Hadith suivant, عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول أعندك غداء فأقول لا فيقول إني صائم قالت فأتاني يوما فقلت يا رسول الله إنه أهديت لنا هدية قال وما هي قلت حيز قال أما إني أصبحت صائما قالت ثم أكل صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam des fois venait chez elle et lui disait as-tu un rada? Le rada c'est le repas qu'on prend à midi, le déjeuner. As-tu un déjeuner, de quoi manger? Et des fois elle disait non. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait donc alors je jeûne. Ma indaki ta'am idhan ana sa'im. Alors je jeûne. De cette partie du hadith, on tire plusieurs choses. Et parmi les choses qu'on tire, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam des fois ne mangeait pas jusqu'à midi. Il n'avait pas de quoi manger. Et quand il rentrait chez lui après avoir vaqué à ses occupations, il demandait dans sa maison si on avait de quoi manger. Et quand on lui disait qu'il n'avait pas de quoi manger, regardez, au jour d'aujourd'hui, si tu rentres chez toi des fois et tu ne trouves pas de quoi manger, peut-être que tu vas te plaindre et t'énerver. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne trouve pas de quoi manger, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une ibada en plus. Il jeûne. يَعْبُدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ. Il adore Allah عَزَّ وَجَلْ dans toutes les situations. Il jeûne. Donc on a le droit de jeûner وَهَذَا فِي الصَّوْمِ النَّفْلِ dans le jeûne de nafila surérogatoire au milieu de la journée à condition qu'on n'a rien mangé depuis le fajr. وَهَذَا فِي الصَّوْمِ النَّفْلِ لَا فِي الْوَاجِبِ. Et ce n'est à faire que dans le jeûne surérogatoire et pas l'obligatoire. Par exemple, tu étais musafir, voyageur pendant Ramadan. Tu as raté un jour de jeûne. Tu dois le rattraper. Tu n'as pas le droit de le rattraper en ayant la niya, l'intention de jeûner à midi. La niya, tu dois l'avoir avant le fajr. Par contre, pour un jeûne surérogatoire, tu as le droit d'avoir l'intention de jeûner à partir de midi, à condition que tu n'aies rien mangé entre le fajr et midi. Et Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah dit que la récompense que tu auras à ce moment-là va commencer à midi. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit innama al-a'malu bin-niyyat. Les actes ne valent que par leurs intentions, c'est-à-dire qu'ils sont pris en considération en fonction de leurs intentions. Or toi, du fajr jusqu'à midi, tu n'avais pas eu l'intention de jeûner. Comment veux-tu qu'Allah te récompense ce que tu n'avais pas eu l'intention de faire? À partir du moment où tu as eu l'intention de jeûner, Allah te donne ta récompense. Wadih? C'est clair? فَقَالَتْ فَأَتَانِ يَوْمَا. Un jour, il est revenu à elle. Et elle lui a dit, يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ هُدِيَتْ لَنَا هَدِيَّ. On nous a offert un cadeau, un présent. قَالَ وَمَا هِي. Le prophète, alayhi salam, lui a dit, et quel est-il? قُلْتُ حَيْسِ. Ce qu'on appelle, et donc elle a répondu al-hays. Ce qu'on appelle al-hays ou bien al-hays, c'est un repas. En fait, c'est des dattes qui sont écrasées. C'est des dattes qui sont écrasées et mélangées avec des aliments, Donc des dattes qui sont, c'est connu, c'est une chose qui est connue. La pâte de la datte, quand elle est écrasée et elle est mélangée avec daqiq, avec de la farine, ou bien elle est mélangée avec l'aqit, elle est mélangée avec le laban qui devient sec, hein, comme on traduit le fromage frais, ou d'autres choses encore. Des fois, c'est mélangé avec l'ouz, des amandes, etc. On lui avait donné ça comme cadeau. Et alors, le prophète, alayhi salam, a dit, je me suis levé ce matin, on va lire directement, il a dit, depuis ce matin, j'étais en état de jeûne. Donc ici, c'est un autre jour. Le premier jour, il n'avait rien mangé. Et quand il n'a rien trouvé, il a dit, je jeûne. L'autre jour, quand il est arrivé, carrément, le matin, il a eu l'intention de jeûner. Il ne l'a pas eu à midi. Il a eu dès le matin. Mais ce jour-là, comme par hasard, Aïcha radiallahu anha avait de quoi manger. Elle lui a donné. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, ce matin, je jeûnais. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé son jeûne et il a mangé. Qu'est-ce qu'on tire de ça? Alladhi yasoumu sawman naflan yajuzu lahu an yaqta'ahu idha arada an ya'kul la haraj alayh. Celui qui jeûne, un jeûne surérogatoire recommandé, a le droit de couper son jeûne. C'est comme une sadaqa. C'est comme si que tu as de l'argent dans la poche, si tu veux le donner, tu le donnes, et si tu ne veux pas le donner, tu ne le donnes pas, tu n'es pas dans l'obligation. Donc, tu as le droit d'avoir la niya, l'intention de jeûner au milieu du jour, si tu n'as rien mangé depuis Fajr, et aussi, tu as le droit de couper le jeûne, de rompre le jeûne au milieu de la journée, si tu en as envie, comme par exemple si on t'invite. Si tu es ça et on t'invite, tu as le droit de couper ton jeûne et tu n'as pas à le rattraper. Et tu es récompensé même par Allah subhanahu wa ta'ala parce que tu avais l'intention de jeûner et tu as répondu à l'invitation. Et enfin le dernier hadith de ce chapitre, de ce bab, عن Anas ibn Malik radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الثفل سبحان الله أنس بن مالك رضي الله عنه nous dit que le prophète عليه الصلاة والسلام appréciait, il aimait manger ce qu'on appelle الثفل الثفل ما بقي من الطعام في قرع القدر. الثفل, c'est le nom qu'on donne au reste de la nourriture. Vous voyez, quand quelqu'un fait un plat et cuisine, ensuite il sort de la marmite et il met dans l'assiette ce qui reste au fond de la marmite que les gens jettent. Ar-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il aimait ça. Il aimait manger ça. Il aimait les restes. Alayhi salatu wa sallam. Ma kana mutakabbiran. Il n'était pas orgueilleux. Il ne disait pas, mais pourquoi je vais manger ça moi? Il ne disait pas ça. Il aimait manger ça. إنه كان متواضعا صلى الله عليه وسلم. Il était modeste عليه الصلاة والسلام. Et aussi, لأن الثفل فيه فائدة. الثفل, les restes, il y a, c'est en fait, souvent les restes, ils sont bons à manger. Il y a beaucoup de gens qui aiment manger les restes avec le pain. Qui aiment manger les restes avec le pain. Et donc ça fait partie du idam du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et on va s'arrêter là inshaAllah ta'ala. Et on a fini le chapitre concernant idam Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a vu qu'il aimait manger avec le pain le vinaigre, le khal, l'huile, le zayt, l'asal, le miel. Il aimait manger avec le pain lahm shah, la viande d'agneau. Il aimait manger avec le pain lahm ad-dajaj, la viande de poulet. Il aimait manger avec le pain alayhi salatu wassalam al-thufl, les restes de la nourriture alayhi salatu wassalam. Et voilà, on s'arrête ici inshallah et on reprend le 26, le 12, donc samedi prochain, il n'y aura pas d'ars. Le 19, il n'y aura pas d'ars. Et on reprendra, inshallah, le samedi 26 après l'asar. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad